J'taille la barbe, j'coupe la touffe. J'mets les gants, j'mets le casque roof. Laisse-moi au shit, j'touche pas la schnouf. Moi quand j'fais du chip, je ferme ma bouche. Ma biche, j'suis riche et je reste en quai. Tu m'as trahi, mais le pire c'est que t'avais le choix. Tu veux me reparler, garde la pêche. Parce que tu sais réel, crois pas que j'suis méchant. Les VDR chassent aussi et sont de mèche. Sur la côte d'Azur, bille la vue sur les champs. Il fait chaud, j'commence réfléchir. Je sers si demain j'parle à mama ou le fratello. J'fume v'là les bédos. Ça va pas, j'bloque, j'cache pas quelle heure. Détends-toi, on vient tous les deux d'en bas. Bref, moi j'suis chez neuf, y'a tout pour être bien et on est tous mal. Moi ça m'énerve, moi j'ai des rêves là. Comme j'me lève, j'rappe, j'fais du bénef. J'mets valé le boutin. Mais j'en reçois des pipés comme un gilezin. Ils sont magnifiques. J'suis en claquette, capuché. J'vais au tabac, j'me prends plein de feuilles. Pourquoi tu changes de sujet? Chaque fois que j'te parle d'oseille. Aïe aïe. Là j'ai fumé plus de cigane. Aïe aïe. Tribunal, j'ai rien vu, je me rappelle plus. Sors de là-bas, on vend du plus mal. En plus de soir avant j'ai trop bu. Chantier moi, je suis tout seul, mais se casse le couloir, reste lui a plu. Le téléphone fait que sonner, en plus je